Tout d'abord, concernant l'actualité, ici au Québec, il y a présentement dans les médias une mouvance médiatique entourant la dénonciation d'inconduites sexuelles qui ont été perpétrées par des gens en situation d'autorité, des vedettes. Il y a des gens qui ont une certaine renommée sur la place publique. Et c'est sûr que cette vague de dénonciation, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent à dénoncer simultanément des gestes qui sont liés à des manques de respect flagrants, comme des agressions sexuelles, des viols et également de l'harcèlement psychologique à caractère sexuel, témoignent qu'à quelque part, dans la société, eh bien, il y a une sensibilité qui augmente dans le sens que les gens sont tannés d'être dominés, sont tannés de souffrir. Et c'est sûr que beaucoup de femmes, historiquement parlant, ont souffert de domination sur le plan sexuel. Et là, présentement, il y a un éveil, chez elles, une volonté de se libérer de tout ça, une volonté d'acquérir plus de respect. Donc, c'est sûr que ça s'inscrit dans un mouvement d'émancipation, de la femme, qui est intéressant parce que, à quelque part, les gens qui veulent être libres dans leur conscience, être bien dans leur peau, doivent s'organiser pour pas souffrir dans le quotidien et s'engager à faire des actions concrètes en ce sens. Et c'est sûr que il y a des gens qui dénoncent aujourd'hui des comportements d'inconduite sexuelle qui ont dû dépasser la peur parce que souvent, ce qui empêche quelqu'un de dénoncer un abus, eh bien, c'est la peur de déplaire, la peur de ne pas être pris au sérieux, ensuite la peur de ne pas avoir de travail. C'est sûr que si, par exemple, une personne travaille pour un artiste, et c'est sûr que si la personne dénonce cet artiste-là, bien, elle peut avoir peur de se retrouver sans travail ou que l'artiste en parle à certains de ses collègues pour pas qu'elle se fasse embaucher par la suite. Donc, il peut avoir de la peur de se retrouver à perdre son emploi ou avoir de la difficulté à s'en trouver un autre par la suite. Donc, la personne qui est capable d'aller au-delà de ces peurs-là pour affirmer son besoin d'être respectée vit, à quelque part, la manifestation du principe de l'amour pour soi, en ce sens qu'elle a une volonté d'être bien dans sa peau, et ça fait partie de l'émancipation psychique qui va permettre éventuellement à des êtres humains de manifester leur plein potentiel, parce que si la personne est écrasée, parce qu'elle vit de la domination sexuelle et elle est soumise, c'est sûr que elle se fait gruger son énergie vitale. C'est sûr que ça la bloque dans sa mise à puissance. Donc, autrement dit, pour que la personne puisse manifester son potentiel énergétique d'une manière optimale, il faut que la personne soit libre de toute forme de domination. Et pour ça, il faut qu'elle entre dans son autorité et que sa volonté d'être bien dans sa peau soit plus forte que la peur qui l'empêche de passer à l'action pour dénoncer les agissements qui manquent de respect. Et c'est sûr que plus que les femmes vont être capables de contester, et les hommes aussi, il y a des hommes qui peuvent être victimes d'inconduites sexuelles également. Donc, autrement dit, à mesure que les êtres humains vont être capables de dénoncer les abus qui ont été perpétrés contre eux pour réajuster la situation, eh bien, à mesure que ces gens-là vont intégrer davantage le principe de l'amour, et le principe de l'amour passe par le respect de soi. Donc, c'est fondamental et ça fait partie de l'évolution psychique qu'une société comme le Québec, éventuellement, sur sa place publique, ait une situation de dénonciation massive de toute forme de domination liée à des abus sexuels, que ce soit des agressions sexuelles, des viols, des attouchements et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est très sain ce qui se passe présentement au Québec. Et ça marque un mouvement des citoyens et citoyennes québécoises vers une plus grande liberté et un mieux-être. Donc, c'est très intéressant. Puis cela prépare le terrain éventuellement pour autre chose, parce que après tout, lorsque les gens commencent à goûter à une plus grande liberté sur le plan physique en se libérant de formes de domination, eh bien, ça prépare le terrain pour éventuellement se libérer de domination sur le plan psychique qui peut être vécu par la part d'entités, que ce soit sur le plan astral ou mental, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour ce qui est de l'instant, d'être capable d'épurer le corps d'énergie planétaire astrale qui est en relation avec la souffrance liée à des viols, agressions, qui est extrêmement lourd, d'être capable de se libérer de cette charge énergétique qui est un peu comme une bulle là, qui est en train de crever, donc de faire crever l'abcès des souffrances cumulatives au fil du temps vécues par des gens ici au Québec liés à des non-dits, liés à des choses qui accumulent par en dedans et que ça se lie psychiquement à une masse d'énergie astrale qui crée une forme d'égrégore énergétique malsain qui participe à un mal-être collectif. Eh bien, c'est extrêmement intéressant qu'une collectivité puisse se libérer de cela pour mieux se redéfinir en se libérant de la vibration associée à des mémoires souffrantes qui sont intégrées. Donc, autrement dit, en laissant circuler cette énergie-là, en étant capable de l'exprimer, donc de la canaliser avec intelligence pour être plus libre, plus léger dans sa psyché. Et à ce moment-là, se libérer d'une forme d'alourdissement psychique. Donc, c'est extrêmement pertinent à faire.